les oies sauvages. Tout est muet. L'oiseau ne jette plus ses cris. La morne plaine est blanche au loin sous le ciel gris. Seuls les grands corbeaux noirs qui vont cherchant leur proie fouillent du bec la neige et tachent sa pâleur. Voilà qu'à l'horizon s'élève une clameur. Elle approche, elle vient. C'est la tribu des oies. Ainsi qu'un trait lancé, toutes, le cou tendu, allant toujours plus vite, en leur vol éperdu, passent, fouettant le vent de leur aile sifflante. Le guide qui conduit ces pèlerins déserts, de là les océans, les bois et les déserts, comme pour exciter leur allure trop lente, de moment en moment jette son cri perçant. Comme un double ruban, la caravane ondoie, bruit étrangement et par le ciel déploie son grand triangle ailé qui va s'élargissant. Mais leurs frères captifs répandus dans la plaine, engourdis par le froid, cheminent gravement. Un enfant en haillons en sifflant les promène, comme de lourds vaisseaux balancés lentement. Ils entendent le cri de la tribu qui passe, ils érigent leur tête, et regardant s'enfuir les libres voyageurs au travers de l'espace, les captifs tout à coup se lèvent pour partir. Ils agitent en vain leurs ailes impuissantes et, dressés sur leurs pieds, sentent confusément à cet appel errant se lever grandissante la liberté première au fond du cœur dormant, la fièvre de l'espace et des tièdes rivages. Dans les champs pleins de neige, ils courent effarés et jetant par le ciel des cris désespérés, ils répondent longtemps à leurs frères sauvages.